Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 24 novembre. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours en direct à la radio de 6h à 6h30 ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Depuis hier, nous sommes avec l'ethnopsychiatre et écrivain Toby Nathan pour une série consacrée à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire l'après-choc, comment trouver les mots, comment chercher les remèdes. Aujourd'hui, deuxième épisode, la terreur comme instrument politique. Et en deuxième partie, je reçois Laurent Nunez, qui dirige les pages culture du magazine Marianne, pour parler des prix littéraires. C'est vrai qu'on a oublié toute cette époque. Bonjour Toby Nathan. Bonjour Tofik. Allez, on attaque. Après le choc, trouver les mots, chercher les remèdes. Deuxième épisode, la terreur comme instrument politique, Toby Nathan. Oui, alors, la terreur est un instrument politique, c'est-à-dire c'est un instrument de prise du pouvoir et c'est un instrument parfois d'exercice du pouvoir. Quand c'est un instrument de prise du pouvoir, on appelle ça plutôt terrorisme. Et puis ensuite, il peut y avoir un gouvernement par la terreur. Il y a un bouquin qui est sorti il y a 3 ans peut-être, et qui était remarquable. C'est le bouquin de Riti Pan sur ce qui s'est passé au Cambodge et comment on a répandu la terreur pendant 4 ans, 5 ans. Oui, c'était 74 à 79, ça fait 5 ans, hein, au Cambodge. Et je trouve que le bouquin de Riti Pan est très très riche parce qu'il rentre dans les détails de la fabrique de la terreur. Comment est-ce qu'on fabrique cette terreur? Comment on met un pays tout entier sous la terreur, sous la botte de la terreur? Et ça peut être une théorie, on peut avoir des théoriciens de la terreur? Je ne sais pas si ce sont des théoriciens a priori, ils le deviennent. Je dirais que ils essayent des choses et puis ils se rendent compte de ce qui est possible. Mais c'est un acte intellectuel, hein, la terreur. Hein. C'est vraiment, ça résulte d'une pensée. Je ne sais pas si cette pensée précède l'action ou si elle l'accompagne. J'ai plutôt tendance à penser qu'elle l'accompagne plutôt qu'elle la précède. Mais en tout cas, cette pensée est présente et on peut la reconstituer, en fait. Et c'est à ça que nous invite le livre de Riti Pan, qu'il a interrogé Douche, qui était le directeur de cette, je sais pas comment on peut appeler, de cette prison, qui est à la fois une prison et en même temps, un modèle pour la société tout entière. Hein. Et là, ce qu'on constate, c'est que à S21, nul n'échappe à la torture. C'est comme ça que Douche dit les choses. Nul n'échappe à la mort. Mais pourquoi torturer? Puisque tout le monde va y passer. Pourquoi torturer? Est-ce qu'il s'agit de faire parler les gens? On comprend très vite qu'il ne s'agit pas de les faire parler, puisque ils font tous les mêmes aveux qui sont rédigés sur des kilomètres de texte et tous les aveux sont identiques. Donc c'est pas pour les faire parler puisque ils disent ce qu'on leur dit de dire. Donc on n'apprend rien de nouveau par la torture. C'est pas pour les faire taire non plus qu'on les torture puisque ces gens sont réduits à quasiment néant par la faim, par la déprivation de toutes leurs relations. C'est pour terroriser les autres, tous les autres, Toby Nathan? C'est pour terroriser tous les autres, exactement. C'est pour terroriser tous les autres qui sont en quelque sorte un point à partir duquel irradie la terreur dans la société tout entière. Et on se rend compte quand on voit les actes de torture qui sont commis. Et en particulier, il y en a un, moi, qui m'a impressionné dans le livre de Riti Pan, c'est qu'il vidait une personne déterminée. Il disait, celle-là, on va la vider de son sang. Il la vidait de tout son sang. C'est-à-dire qu'il lui faisait une prise de sang, de tout le sang qu'elle contenait la personne. Pourquoi est-ce qu'il faisait une chose pareille? C'est délirant, quoi. Est-ce que dans ce cas, on peut parler encore de terreur ou on est dans d'autres choses, la démence, la folie, que ça. Bah, c'était une organisation sociale. Hein. C'est une organisation sociale. La démence, la folie. Bon, je sais pas. Ça, on doit pouvoir dire que des systèmes sont fous, mais c'est par extension folle une personne. Mais un système fou, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rentrer dans l'analyse pour comprendre ce que ça peut vouloir dire, un système fou. Donc, il faisait des choses pareilles. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est simplement parce qu'ils avaient pensé que c'était possible. En fait, la terreur sert à faire croire ou à rendre possible, en fait, que c'est une idée qui fabrique la société. J'ai eu l'idée de faire ça, et donc je vais le faire. Et cette chose-là, parce que les sociétés ne fonctionnent jamais comme ça, elles fonctionnent à l'envers, en fait, de ça. Il se passe des choses dans la vie sociale, et les gens qui dirigent essayent de rattraper les wagons, de créer des lois pour encadrer les choses qui sont en train de se passer. La vie sociale, c'est elle qui est vivante, et c'est les chefs qui s'adaptent à la vie de la société. Alors que là, on essaye d'appliquer cette espèce de folie selon laquelle les chefs pourraient imprimer leur désir à la société. Ça, ce truc-là, c'est une position intellectuelle, en fait. Hein. Et c'est une position qui conduit toujours à cette espèce de folie qu'est la terreur généralisée. Ça, je vais vous dire, cette chose-là, c'est une... Quand vous écoutez Douche, c'est un intellectuel, hein. C'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui a fait des études, qui a été à l'université et qui pense les choses. Il les pense. Et donc, c'est pour ça que quand on sème la terreur dans une société, derrière, il y a toujours un acte intellectuel, il y a une pensée, il y a une intention. Alors, je voulais prendre un second exemple pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. C'est la prise de pouvoir de Goebbels sur Berlin. Vous savez, Berlin, à la fin des années 20, Berlin, c'est la ville la plus vivante du monde. C'est une ville extraordinaire. C'est une ville où il y a des cabarets, des artistes. C'est le 11e arrondissement de Paris, si vous voulez, de l'époque, en fait. Et donc, c'est dans cette ville-là, c'est une ville rouge. La majorité vote communiste ou socialiste. C'est une ville rouge. Hitler envoie Goebbels à Berlin avec la mission de s'emparer politiquement de la ville. Et Goebbels arrive, il y a à peu près 1000 personnes qui sont de son avis dans Berlin. C'est rien. La majorité de la ville est socialiste et communiste. Comment il va faire pour prendre le pouvoir? Comment il va faire pour convaincre les gens de devenir nazis? Eh bien, il décide, c'est une décision, il décide de répandre la terreur. Et cette décision, il la prend en amont, c'est-à-dire que c'est une vraie stratégie. Il dit, quand il y a un meeting politique communiste, par exemple, il envoie les nervis nazis, qui cherchent la bagarre, qui se battent, s'il y a des blessés, c'est bien. S'il y a des morts, c'est mieux, parce qu'après, il va y avoir des procès, etc. Mais la conséquence, qu'est-ce qu'elle va être? La conséquence, c'est que les gens, comme vous le disiez hier, les gens qui ont envie d'assister à un meeting communiste, ils vont réfléchir, ils vont dire, c'est dangereux d'aller à un meeting communiste, il va y avoir de la bagarre, je risque de prendre des coups, je risque d'être blessé, j'y vais pas. Et au fur et à mesure, les gens commencent à déserter les lieux de rencontre, les bars, les cabarets, les endroits où on faisait des meetings socialistes, communistes, etc. Qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont terrifiés? Alors, parce qu'ils ont peur. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, et par n'importe qui. Ils ne savent plus qui est leur voisin. À côté de vous, vous ne pouvez plus parler parce que vous vous dites peut-être que celui qui est à côté de moi fait partie du parti nazi. À ce moment-là, vous vous taisez et c'est cette sensation que vous êtes devenu une cible dont vous ne connaissez plus l'origine. Ce qui fait la terreur, c'est que vous avez été réduit à une position de quiconque. Ça, c'est fondamental. C'est un des éléments fondamentaux de la construction de la terreur. Et là, la terreur peut s'exercer librement, en fait. La terreur, c'est ça qu'elle produit, et c'est ça dont elle a besoin, d'individus sans attache, sans aucune attache. Alors, évidemment, on comprend bien comment ça fonctionne. Cette quiconquisation, dans un premier temps, cette quiconquisation et cette rupture de tous les attachements, y compris les attachements traditionnels, c'est-à-dire la religion, c'est fini, la magie, c'est fini, les gens auxquels vous pouvez recourir, c'est fini. Les liens sociaux, c'est fini aussi. Tous les liens sociaux, c'est fini. Mmh. Et c'est ça que recherche un gouvernement par la terreur. Il voudrait avoir que des individus, et des individus qui redoutent tous les individus qui sont autour d'eux. Ça, c'est l'intention. Et cette intention, elle est délibérée. Vous savez que Goebbels, en 3 ans, 4 ans, Berlin vote nazi après ça. C'est une réussite totale de sa stratégie. C'est donc une stratégie, et une stratégie efficace qui a été mise en œuvre de manière délibérée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est soumettre les gens. Oui. Et c'est aussi les influencer à certains moments, parce que... Après, ils pensent tous... je vais vous dire pourquoi ils pensent tous nazis après. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils pensaient communistes, hein, ce qui est l'inverse quand même. Hein. Ils pensaient communistes à Berlin. Communistes, socialistes. La majorité pensait comme ça. Et puis, à un moment donné, ils veulent plus aller dans les endroits de regroupement des socialistes, des communistes. Et puis, à un moment donné, ils commencent à se dire « Mais pourquoi j'y vais pas ?» Et là, il faut qu'ils se mettent d'accord avec eux-mêmes, en quelque sorte. Pourquoi j'y vais pas ? Parce que je pense le contraire. Et ils basculent parce qu'on les a fait basculer physiquement. On les a d'abord fait basculer physiquement, on les a empêchés de se rendre dans les endroits où ils retrouvaient des semblables, et dans un second temps, ils commencent à penser comme les gens qui les ont empêchés. La terreur fabrique du mimétisme, en fait. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que moi, j'ai très très peur de ce qui s'est passé vendredi soir au Bataclan. Parce que sur le moment, les gens réagissent en disant on se laissera pas faire, on n'a pas peur. On a vu partout hein, des gens qui ont brandi des pancartes, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Bien sûr qu'ils ont peur. Bien sûr qu'ils ont peur. Bien sûr qu'ils ont été terrorisés. Mais la conséquence de la terreur, parfois, c'est venir se coller à la personne qui vous a terrorisé. Ça produit du mimétisme de l'agent de la terreur. Et ce que je crains, moi, c'est qu'un événement comme ça ne fabrique des adeptes, en fait. Que ça soit un événement qui aura pour conséquence un recrutement accru de nouveaux adeptes de ce genre d'action terroriste. Comment éviter cela ? Est-ce qu'il faut de la terreur pour combattre la terreur ? Non. Je suis formel. Il faut de l'intelligence pour combattre la terreur. Il faut raconter l'intention, la stratégie. Il faut surtout pas dénigrer l'adversaire. Il faut pas dire c'est des idiots qui ont des émotions immédiates comme ça. C'est des gens qui sont archaïques, primaires, primitifs, etc. C'est faux. Ce sont des gens qui ont une stratégie délibérée. Et ça fait partie de leur stratégie de terroriser les personnes. Donc il faut mettre à plat cette stratégie, et comme dans une partie d'échecs, ils répondent par une stratégie inverse, une stratégie de l'intelligence. Donc il faut reconstituer la stratégie de l'adversaire et l'expliciter. Là c'est très compliqué parce que on vit des moments d'émotion, on est tous sur le coup de l'émotion et on a tendance à réagir de manière immédiate et non élaborée. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut réagir par des choses élaborées, complexes, intelligentes et proposer des contre-stratégies. Demain, on se retrouve, Toby Nathan, pour notre série « Après le choc, trouver les mots, chercher les remèdes ». Et demain, on parlera d'un exemple bien concret, celui de la Guinée, que vous connaissez bien. Oui. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission, exceptionnellement. Avec plaisir. On va parler des prix littéraires de cette année. Ça semble dérisoire aujourd'hui, et pourtant, c'est très important aussi, la littérature. Vous êtes bien placé pour le dire. Donc restez avec nous dans un instant, Laurent Nunez, dans Un autre jour est possible. Possible par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Et moi-même. Une fois par mois, Laurent Nunez, rédacteur en chef des pages culturelles de Marianne, vient me partager un coup de cœur, une analyse, une chronique. Aujourd'hui, c'était prévu et de longue date un retour sur les prix littéraires. Mais pour moi, ça semble tellement lointain. Ça me semble un peu dérisoire de parler des prix littéraires aujourd'hui. Ah ouais, et vous imaginez donc ce que j'ai dû endurer quand il a fallu écrire cette chronique. Mais bon, j'avais un mot d'ordre, il fallait le faire quand même, j'ai essayé de le faire. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, parce que les prix littéraires, moi c'est ce qu'on m'a dit ce matin, tout le monde, ça intéresse encore des gens aujourd'hui, après ce qui s'est passé au Bataclan, à la terrasse des cafés. Ça c'est vraiment la phrase, hein, stupéfaite, et pleine d'indignation, hein, pleine de mépris littéraire d'ailleurs, que j'ai entendu au moins 10 fois ce matin à la machine à café, lorsque j'ai raconté à mes collègues que j'allais faire ma chronique, voilà, sur la fin de la rentrée littéraire et sur le Goncourt, le Renaudot, le Médicis, l'Interallié, sur le prix de l'Académie française. Sur les lauréats et ceux qui n'ont pas décroché les prix, sur nos favoris qui sont passés à côté une fois de plus. Oui. Enfin, tout un jeu, un rituel. Et on y tient finalement à ce rituel. Oui, sur un spectacle parisien, français, franco-français. Et alors, en effet, dès que j'ai prononcé ces mots, là, le prix de l'Académie française, notamment, allez savoir pourquoi, voilà, j'ai senti tout le monde hausser les épaules, ils ont soupiré. J'ai bien senti que certains me considéraient peut-être même comme une sorte, vous savez, le mot est toujours lâché, le bobo, le germano-pratin, le genre intello dans la lune qui refuserait de regarder le monde en face et qui vivrait en dehors de la réalité. Vous savez, un peu comme Archimède, dont la légende raconte qu'il fut tué par un soldat parce qu'il était plongé dans ses calculs mathématiques et qu'il n'avait pas entendu que l'ennemi avait pris possession de la ville. Eh ben, je vais vous dire, moi, je crois que mes collègues qui haussaient les épaules se trompaient beaucoup, et même énormément. Les attentats qui viennent de se produire à Paris, et presque sous mes fenêtres, parce que j'habite le canal Saint-Martin, ben, ces attentats, moi, ils m'obligent à parler des prix littéraires. À cause d'eux, d'ailleurs, j'ai même plus le choix. Pour 4 raisons. La première, c'est parce qu'en fait, je dois parler des livres, plus que jamais. Les livres, vous savez, c'est au fondement de la culture occidentale. Depuis l'invention du codex à Rome, au début du deuxième siècle avant Jésus-Christ, le codex, vous voyez, c'est un petit livre, un petit cahier formé de pages manuscrites reliées ensemble, et ça a révolutionné l'Antiquité comme une sorte de livre de poche, comme le livre de poche a révolutionné le XXe siècle. Les intellectuels romains l'avaient créé pour démocratiser la culture il y a 2200 ans, et qu'il faille plus de culture pour tous, par tous, hein, c'est une idée à laquelle, allez savoir pourquoi, je crois fortement depuis quelques jours. La deuxième raison de ma chronique, c'est que je vais dans quelques instants parler de fiction. Vous vous rendez compte? De la fiction. Des histoires qu'on sait très fausses, mais qu'on lit quand même parce qu'elles sont bien écrites et parce que finalement elles disent des choses vraies. Ça, c'est le grand scandale de la littérature. Le plaisir de lire ce qu'on veut, où qu'on veut, le plaisir de croire pendant quelques heures ce qu'on nous raconte et de redevenir bêtement raisonnable une fois le livre fermé. La troisième raison de ma chronique, c'est que je compte évidemment dire du mal de certains livres primés. Et tant qu'on aura le droit de se disputer entre amis à la terrasse d'un café au sujet d'un roman, fût-ce le livre de Christine Angot, de Delphine de Vigan, hein, vous croyez bien que je serai de la partie. Au café ou à la radio. Oui, notamment, oui. Ouais. Et que je serai et pas le seul. Et même de bon matin, si ça vous chante. Paris tenu, je peux venir. La dernière raison pour laquelle j'ai décidé de maintenir ma chronique, elle me vient directement des djihadistes. Des djihadistes qui commettent des attentats au Nigeria et au Cameroun notamment, et qui appartiennent à un mouvement nommé Boko Haram. Vous savez ce que ça veut dire, Boko Haram? Ça veut dire les livres sont interdits. Ça veut dire c'est péché de lire. Alors c'est péché de lire, si vous croyez que je vais vous obéir, messieurs les illettrés. Non. Si Paris semble pour certains la capitale des abominations et de la perversion, comme un communiqué de Daesh l'annonçait récemment, je crois que c'est parce qu'il existe dans notre capitale 750 librairies, 75 bibliothèques municipales, parce qu'il existe la BNF, la bibliothèque de Beaubourg, parce qu'il y a les quartiers d'Intello, comme Saint-Germain-des-Prés, et parce que pour la plus grande joie des fous et des pervers que nous sommes, les éditeurs français ont publié, en septembre, pas moins de 600 romans, dont 400 d'auteurs francophones. C'est beaucoup, c'est trop, hein. Moi je vous réponds, ça n'est pas assez. Et je vous redonne la belle phrase d'Anna Arendt au début des origines du totalitarisme, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Voilà, donc ça c'est fait, je peux enfin parler de la rentrée littéraire. Bon, elle a commencé, je vous l'avoue drôlement, par le prix décembre, qui fut attribué, comme son nom ne l'indique pas, début novembre, à Christine Angot, pour sa dernière autofiction, Un amour impossible. Que vous n'aimez pas du tout, Laurent. Ah là, contrairement à mes collègues ici à France Culture. Donc je vais être au beau milieu, là. Je vais entendre maintenant vos arguments, Laurent Linez. C'est vrai, oh là là. Alors, si je dis que cette rentrée littéraire a commencé drôlement, c'est pas parce que Angot a été récompensé avec un livre qui contenait des dialogues somptueux, comme, je vous le cite, je n'invente rien. Croyez-moi, je suis obligé de le préciser. Ah là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai marre, mon Dieu, mais j'en ai marre, mon Dieu. Voilà, c'est le genre de dialogue qu'on trouve dans ce livre qui vient d'être primé. Et évidemment, ça m'a fait rire, mais c'est pas pour ça que c'était drôle. Hein. Tout Paris est rigolé parce que dans le jury du prix décembre, je sais pas si vous le savez, mais il y avait Amélie Nothomb, qui avait bien aimé le livre d'Angot et qui avait donc voté pour elle. Ça partait bien, initialement. Mais voilà, le problème, c'est que Christine Angot n'aimait pas Amélie Nothomb. Et on a assisté, lors de la remise du prix à la Maison de l'Amérique latine, à une lente et belle course-poursuite. Nothomb voulant une photo avec Angot, Angot s'échappant indéfiniment, Nothomb la main sur son chapeau, coursant Angot jusqu'à se fâcher et refuser de déjeuner avec tout le jury. Voilà, c'est la drôle d'image, ridicule, attendrissante, qui ne le reste de cette remise des prix, qui ressemblait fort, hein, je vous le concède, du coup, à un bûcher des vanités. Bon, si vous voulez des chiffres qui ne veulent rien dire, mais qui disent quelque chose tout de même, il s'est vendu pour l'instant 100 000 exemplaires d'Un amour impossible, l'autofiction de Christine Angot. Le dernier roman de Nothomb, en comparaison, Le crime du comte Neuville, qui n'a eu aucun prix, s'est déjà vendu, lui, à 85 000 exemplaires. Voilà, c'est donc deux très très grands succès commerciaux. Pour ma part, moi, j'ai préféré largement le prix Médicis. Titus n'aimait pas Bérénice, de Nathalie Azoulay, aux éditions P.O.L. Ouais. Voilà, une sorte de biographie de Racine, romancée, érudite, mais pas trop, parce que ça peut sembler un gros mot parfois érudit, qui tente de répondre à une belle question, est-ce qu'on guérit un jour d'un chagrin d'amour? Et parce que quand Titus se sépare de Bérénice, vous savez, in vitus in vitam, selon les mots de Suétone, c'est-à-dire malgré lui et malgré elle, parce qu'il se produit il y a 2000 ans, se produit encore de nos jours. C'est la même incompréhension qui naît dans l'esprit de celui qu'on abandonne. Et cette incompréhension, moi, que je trouve remarquablement peinte dans ce livre, assez court, à la fois pensif, pour ce qu'il est, et assez futile en même temps, parfois certains l'ont qualifié de littérature féminine. C'est l'heureuse surprise, pour moi, vraiment, de la rentrée. Il s'en est vendu assez peu, 12 000 exemplaires, c'est tout, comparé au Nothomb ou Angot qui dépasse les 100 000. Voilà, 12 000 exemplaires, il faut que ça change. Ça, c'est évident. Si on continue, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que les trois prix les plus importants ont été décernés à des livres qui redessinaient les liens entre l'Orient et l'Occident. Il y a eu évidemment le prix Goncourt, voilà, donné à Mathias Sénard pour Boussole. C'est vrai que ce pavé qui tient de l'essai, comme du roman d'aventure, il semble très nécessaire après ces jours-là. Ne serait-ce que pour rappeler qu'il y a eu des civilisations dans cette région du monde. Oui. Oui, et que la notion même de choc de civilisation, comme certains voudraient dire, n'existe pas, puisque les deux ont été extrêmement réunis tout le temps, et chaque civilisation a su profiter de l'autre, profiter au bon sens du terme, c'est-à-dire évoluer grâce à l'autre. Et pourvu que ça continue. Oui. Allez-y, Laurent. Pour l'instant, les chiffres sont bons, c'est 63 000 exemplaires pour l'instant du Goncourt. Alors, j'avoue, c'est peu pour un Goncourt, parce que normalement, un Goncourt à la fin de janvier, donc à la fin de janvier 2016, là, normalement, un Goncourt, c'est 400 000 exemplaires. Donc, il faut attendre les ventes de Noël, les ventes de fêtes de fin d'année, puisque c'est souvent ce livre-là qu'on met au pied du sapin. 63 000 exemplaires, voilà, ça, on a encore un peu de temps. On a dit beaucoup de choses sur ce livre, et moi-même déjà à la radio. C'est un livre-monde d'une érudition folle, mais qui, hélas, je pense, fait penser à ce proverbe « qui trop embrasse mal étreint ». Est-ce que vous avez au moins aimé un prix attribué cette année, Laurent Nunez ? Ah, bien sûr. Oui, hein, ne me faites pas passer pour le grincheux de service. Non, j'ai beaucoup aimé. On a le droit de râler. Hein. J'ai beaucoup aimé le prix de l'Académie française, Les Prépondérants, d'Édicadour, qui me semble la vraie révélation. On est tout à fait d'accord, sauf qu'il faut préciser qu'il a été attribué ex aequo. Avec le roman de Boalem Sansal, qui lui était annoncé comme le Goncourt inévitable, et voilà, pour 2084, et ça va être le grand oublié de ces prix. Mais je pense que ceux qui ont le plus d'intuition cette année, en effet, c'est l'Académie française. 2084 de Boalem Sansal, un livre très intéressant, mais trop didactique. Vraiment, puisque c'est dans une civilisation, c'est dans un futur et dans une civilisation qu'on ne connaît pas pour l'instant. Une sorte d'immense califat, et du coup, le narrateur est obligé de tout nous raconter pour qu'on puisse comprendre les us et coutumes de ce monde. Du coup, on perd l'histoire, il n'y en a presque pas, il n'y a pas de héros propres et de vrais protagonistes. Donc, on s'ennuie un petit peu, mais le livre fonctionne très très bien et nous avertit de ce qui peut arriver. Dans le meilleur, c'est les prépondérants qui s'amusent sur le choc des civilisations. C'est très drôle, et Édicadour est brillantissime parce qu'il fait ça comme une comédie. On est en 1922, dans l'Afrique du Nord, un petit village du Maghreb, avec ses coutumes très strictes, arrivent des Américains qui décident de tourner un film. Les Américains arrivent avec leur American Way of Life, avec leur liberté, et tout d'un coup, voilà, c'est le choc. Comment est-ce possible de faire vivre cette petite troupe qui va tourner un grand film parmi des gens qui ne sont pas du tout habitués à voir ce qu'ils vont voir. Voilà, c'est très drôle. Il n'y a aucun jugement. C'est pas du tout. Ça s'appelle les prépondérants. C'est pas du tout sur la guerre, sur l'incompréhension négative, etc. C'est sur c'est Montesquieu. Comment est-ce qu'on peut être persan? Mais comment est-ce qu'on peut être américain? Comment est-ce qu'on peut vivre dans le Maghreb? Merci Laurent Nunez. À bientôt. Merci. Dans un instant, les informations, le développement de l'actualité et le décryptage avec Guillaume Erner et la rédaction de France Culture. J'espère vous retrouver demain. Émission que vous pouvez réécouter ou podcaster en passant par le site franceculture.fr. Émission réalisée par Thomas Duterr, avec aujourd'hui la technique Bastien Varigaud. Et c'est Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet qui m'ont aidé à la concevoir. À demain. Bonne matinée.